manque un peu les filles. Allez, ouais ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric. Non, ça n'a pas marché. Salut, c'est Thierry. J'espère que vous allez bien. C'est la surprise, ouais, c'est moi, parce que ça fait très longtemps que je bassinais Eric en lui disant j'aimerais bien essayer de faire ton émission parce que j'aime bien aussi. Et ben là, il m'a dit oui. Il m'a dit ok. Alors, c'est moi qui ai le contrôle pendant une heure. Je suis très content. Et nous allons... enfin, je vais essayer. Je vais faire de mon possible pour essayer de vous assurer une bonne émission sur Johnny. Alors, vous entendez seulement ma voix, pas mon image, parce que j'aime pas. Mais ben voilà, je vais essayer de présenter cette émission, Johnny de A à Z. Avec en filigrane, pendant une heure, ce sera les duos. Ah, voilà, les duos. Les duos, des duos superbes, magnifiques. Dont un avec Laetitia. Bouf, voilà. Avec Laetitia. C'était sa comment on peut dire, sa Yoko Ono, peut-être. Ouais, enfin bon, elle chante un poil mieux que Yoko Ono quand même, à peine. Je vous proposerai Imagine, vous savez, le titre de John Lennon, parce qu'on ne peut pas se refaire quand on aime les Beatles, donc ce sera ça. Et avec les 500 choristes, les dons étaient reproduits à l'UNICEF, étaient redistribués, je voulais dire, au profit de l'UNICEF. Et puis... il y aura plein de duos sympas avec Chimène Badi, avec Clémence, avec Jennifer. J'aime bien Jennifer, très mignonne. J'oublierai ton nom avec Natacha Saint-Pierre. Je te promets, avec Chimène Badi. Avec Céline Dion, belle voix. Avec Sonia Lassen, je pense qu'on dit Lassen. Hein. Et puis avec Mireille Mathieu, ça va être cool. Ça va être cool. Bon, vous êtes prêts? Allez, on y va. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Stop, stop, stop, qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Quoi, Eric? Non, mais je t'ai demandé de présenter une émission de duo, pas une émission avec des duos de femmes, non? Et tu m'as dit, vas-y, lance-toi, alors voilà. Non, mais c'est de n'importe quoi là, ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. Je te laisse faire une émission, mais c'est pas pour faire n'importe quoi non plus. Bon, bah attends, bah, écoute, si c'est comme ça... Allez. Débrouille-toi, bah, salut. Oui. Bon, va, je prends le relais, merci Thierry, je reprends les rênes, c'est et bon. Voilà. Non, on fera pas de ça deux fois, hein. Non. Ah, j'ai le droit de faire mon émission, mais faut que je fasse ce qu'il veut. Bon, on fasse pas grave. Salut, Eric. Salut, Salut, c'est Eric, bienvenue ici dans cette émission Johnny de A à Z. Non, je vous rassure, c'était un poisson d'avril. Merci encore à Thierry d'avoir participé à ce petit canular. Évidemment, la date oblige. Comment allez-vous toutes et tous? Vous me verrez d'ici quelques secondes à la vidéo car tout n'est pas encore prêt. Oui, c'est ça le direct, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une émission spéciale, une émission très spéciale. Non, on ne fera pas de duo. Mais on va faire une émission spéciale Jean-Baptiste Guégan. Oui, Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny. C'est vrai qu'elle lui ressemble énormément. C'est fou. C'est vraiment à s'y méprendre. On va écouter plusieurs titres de son dernier album, puisque c'est écrit. Et en même temps, on écoutera quelques titres live, bien entendu. Et j'ai fait aussi, pour l'occasion, un duo virtuel entre Johnny et Jean-Baptiste Guégan. Voilà, pour tous les amateurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier. On y va tout de suite, nous sommes ensemble pour une heure d'émission. Et cette émission, on la retrouve le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 17h, ici sur le groupe Johnny de A à Z sur RIG. Voici tout de suite le premier titre de cette émission spéciale à Jean-Baptiste Guégan. Voici Retourner là-bas. Bonne écoute de l'émission Johnny de A à Z pendant une heure. Allez, ça y est, Thierry a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh! Pour un instant, qu'est-ce que il voulait vraiment retourner là-bas. C'est quoi ce bordel? Thierry, ça. Pour la dernière séance, et qui veut se réveiller à la vie. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, c'est Eric. Joyeux 1er avril. Nous sommes le mercredi 1er avril et il est temps pour nous tous de se retrouver pour cette émission Johnny de A à Z chaque fois. Voilà, tchac. Comment allez-vous tous, hein? J'espère que tout va bien pour vous et que ce petit sketch, ce petit canular vous aura plu également. Nous, on s'est fait un petit plaisir, Thierry et moi, de vous proposer ça. Et on refera ça une prochaine fois aussi. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça tombait bien, hein? Un mercredi tombé le 1er avril. On a parlé de ça il y a un mois de faire une petite surprise en direct à la radio RIG. Mais confinement oblige, on a dû le faire à distance. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Non, on ne fera pas un duo féminin. Non, on ne fera pas une émission spéciale Jean-Baptiste Guégan. Non. On va rester quand même sur le thème des duos, mais duo télévisé. Je vais vous proposer de retrouver Johnny Hallyday dans les années 60. On va remonter légèrement jusqu'à 1978. Et le premier duo qu'on va écouter, le temps de cette émission, ça va être un petit Johnny Hallyday et Sacha Distel. Souvenez-vous, les Sacha Show. Bon, moi, je n'étais pas né encore. Hein. J'ai pas connu ça. J'ai connu ça qu'après, que beaucoup après. Bon, allez, on est parti pour une heure de plaisir entre tous et parlez-en toujours autour de vous, hein, que l'émission Johnny de A à Z, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi à partir de 17h. On y va, ça s'achoue, c'était le 28 novembre 1962. Bébé, on y va, bonne émission à toutes et à tous. Là, tu vois, moi je ne suis pas imitateur, mais un jour si on me demandait dans un gala où je chante, tiens, chantez-nous une chanson de Sacha. Eh bien, je crois que je pourrais. Tu pourrais? Mmh. Ah, moi, je crois que je pourrais. Je dis pas que je pourrais chanter toutes les paroles, parce que bien sûr, les paroles, j'ai déjà assez lié. C'est difficile à retenir les miennes. Mais je crois que. Moi, je crois, remarque, je pourrais bien chanter les tiennes aussi. Tu crois? Ouais, je les connais. Et donc, tu connais, et Bibi? Et Bibi? Et Bibi? Oui, il me semble bien que je connais Bibi. Attends, moi, comment ça fait? C'est ta première édition. Tu vois? Surtout que tu m'as ramené des États-Unis. Hey, hey, baby, est-ce que tu veux être mon ami? Hey, hey, baby, est-ce que tu veux être mon ami? Quand je t'ai rencontré dans la rue, je me suis dit que je n'avais jamais vu, jamais ma vie, une fille aussi, aussi jolie que toi. Hey, baby, est-ce que tu veux être mon ami? Oui! Être mon ami. Quand tu veux. Être mon ami. Être mon ami. Oh, ça sommeille. C'est pas de chance, non? C'est la nuit que t'as passé. Je peux pas savoir, c'est lui que j'ai passé. Ah, ça me rappelle une chanson, ça, tiens. J'ai bu d'un trait deux finalo et trois vodka. Et puis après, quelques portos avec Sacha. J'allais pas le dire, ouais. Ouais, tu te voyais tout petit dans mon fauteuil. Ah oui. Oh, oh, oh, oh, oh, quelle nuit. Oui. Je me souviens d'avoir dansé le cha-cha-cha avec une fille qui ressemblait à Petula. C'est pas le twist alors. Tous, hein? Tout en pleurant, je lui ai conté ma vie. Oh oh oh oh, oh, oh quelle nuit. À tout ça m'est arrivé parce qu'on t'a raconté. On m'avait vu avec une jolie femme. Une fois de plus, la volée de te manger. Et tu n'es pas rentré. Je t'ai cherché. Oui, voilà le drame. Oui, je suis rentré au petit jour qu'un quart. Tu m'attendais sur le palier en pyjama. Et la suite. Oui, moi je sais plus non plus. Oh oh oh oh. Oh quelle nuit. Oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh oh, oh oh oh, quelle nuit. T'as vu, moi je la connaissais bien, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, t'avais perdu ton chapeau, non? T'as pas perdu ton chapeau? Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé et je te l'ai ramené. Bah oui, tu vois, comme c'est la mode, eh bien je me suis dit... Je vais quand même pas venir ici que mon copain Sacha est un chapeau et pas moi. Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie en voyant mon beau chapeau. Mais t'as le même que moi? Oui, moi j'ai mis. Une plume aussi. Ah, mon chapeau, mais c'est perdu. Ça fait plus rigolo. En me voyant coiffer ainsi, toutes les jolies filles s'écrient. Oh là là, quel beau chapeau. Je passe mon temps, soir et matin, devant les glaces des magasins. Je me regarde et je me plais bien. Et Sacha n'est pas mon cousin. Pour un chapeau à cette chanson, qui n'a ni rime ni raison. Bien l'avoir trouvé, car pour nous avoir écouté, on vous tire notre chapeau. Eh ben dis donc. On quitte Sacha Show pour retrouver maintenant H Tendre et Tête de Bois, Petit Leclerc et Juna Aidé. C'était le 25 mai 1966. On est tous là pour l'émission. C'est l'entrée d'un grand voyage. Quelle joie de retrouver Paris. Yeah. A plus de soucis, dès que l'est fini. Oh oui, Jusqu'à minuit, je retiens la nuit. Je suis devenue incorruptible, Miss Courant des USA. Chariot. T'y rentres en chariot? En avion, bien sûr. Je me suis levée de bonne heure, jamais plus tard que minuit. J'ai pris juste une heure pour m'habiller, parce qu'aux États-Unis, on réclame la ponctualité, et moi ça m'a réussi. Toi? Ton histoire est une histoire comme on en voit tous les jours dans notre métier de troubadour. Ah, oui. Il nous faut toujours voyager sans jamais s'arrêter, mais il faut avouer que cette vie, on l'aime, on l'aime. On couche n'importe où, dans des chambres à 100 sous, on chante des chansons. On est les rois dans le vent, on est les rois, oui, dans le vent, on est les rois À présent, nous partons en Italie avec Rita Pavone. C'était lors du show Rai TV le 1er octobre 1966. Bellissimo! I got no kick, I got no more than jazz. Unless you twirl, play a dub on quads. I lose the beauty of the melody until it's only like a melody. Yeah, yeah. Unless you try to play a two-down fast. I lost the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old day you do. Any old time you do. Got to be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I'm the DJ. Yeah! Rock and Roll Music sur Show Rai TV à l'instant sur l'antenne de Johnny de A à Z bien entendu. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous écoutez donc Johnny de A à Z le mercredi, le lundi, le mercredi, le vendredi à partir de 17h et ce pendant une heure. Oui, je vais rester sur une heure, ce serait bien, non? J'espère que tout va bien pour vous. On écoute toujours des duos à la télévision. Nous sommes dans les années 60 et là on va revenir maintenant à l'heure d'un Sacha Show. C'était le 29 mars 1967 et Johnny va encore répéter avec Sacha Distel un duo. Ah, quel plaisir d'avoir un camarade, du moins un bon camarade, hein, un bon camarade. Hein. Alors bonjour. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette tenue? C'est pas très sobre, hein, dis-moi. Oh, ça plaît. Tiens, propos, regarde. Ah, je l'ai vu d'abord, hein. Connaissez-vous mon camarade? C'est le plus beau, c'est le plus fort. Le plus gentil, le plus serviable. C'est un garçon que moi j'adore. évidemment avec les femmes. C'était pas un lion, c'est bien certain. Ces petites amies, quand elles m'en parlent, mais je me tais, c'est mon copain. Ah, quel plaisir d'avoir un camarade. Ah, quel plaisir de le voir réussir. Oh, oh, oh, oh, dans la vie. N'écoutez pas mon camarade, il est menteur et un peu fou. Pour lui tout n'est que rigolade. En plus de ça, il est jaloux. Pourtant c'est un gars formidable, pas très sérieux, un peu léger. C'est pas votre genre, c'est indéniable. Et puis, il est marié. Ah, quel plaisir d'avoir un camarade. Ah, quel plaisir de le voir réussir. Oh, oh, oh, oh, dans la vie. Puisque vous insistez, j'accepte de vous emmener avec moi. Ou elle est sourde, ou elle est muette, ou bien c'est toi qui ne lui plaît pas. Ah, je vais te dire un truc, des filles pareilles, moi d'habitude je les regarde même pas. Puis j'en connais bien de plus belles, et qui ne font pas tant d'embarras. Oui, t'as raison, on perd la tête, on se conduit comme des gamins. Laissons tomber, viens faire la fête. Pour cette fille-là, on est trop bien. Ah, quel plaisir d'avoir un camarade. Ah, quel plaisir de la procréité. Oh, oh, oh. Oui, ben voilà. Monsieur Georges. Moi, quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplent un puissant gorille sans souci du camp du raton. Avec à pudeur ses commères, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'avait défendu de nommer ici. Garogarie. On quitte le Sassin Show de 1967 pour aller en 1969, le 8 janvier exactement. Johnny va chanter avec quelques camarades les marrons glacés. Jean Poiré, Jean-Yann, Sacha Ristel, tu n'as aidé. Quel cadeau vous faire au seuil de l'année. Ah, ravi. Et puis par miracle, j'ai enfin trouvé. Voici donc pour chaque des marrons glacés. Acheter des montres bracelets, mais le contrôle d'échange s'y est opposé. Donc voici en échange des marrons glacés. Des marrons, oh quelle bonne idée. C'est si bon les marrons glacés. Ouais, c'est autre chose, je vous ai acheté. Quoi, acheter des crottes oh, fourrées par les nœuds. Oh, c'est bien toi, ça. Oui, mais la vendeuse, hélas, s'est trompée. Et mis à la place des marrons glacés. Des marrons, quelle bonne idée. C'est si bon, les marrons glacés. Si je vous raconte, pour deux réveillons, j'ai mangé de la dinde. D'un marron, des marrons en crème et de la purée de marron. C'est aussi bon. j'y colle un marron. Allez, ah, des marrons, des marrons. Oh, quelle bonne idée. C'est si bon, les marrons, les marrons glacés. Nous sommes toujours en 1969 et nous allons directement au show Smet qui a été diffusé le 7 mai 1969. On va retrouver avec en duo Dalida, Sylvie Vartan et Françoise Hardy. Voici de suite, attention, version. Ah oui, il a changé les paroles cette chanson-là pour le show. Attention, c'est interdit de penser à tous vos soucis. Attention, c'est défendu. Oublions tous les malentendus. Quand il y a de jolies filles, il y a toujours de la joie. Ne sont-elles pas gentilles? Je les aime comme ça, oh oui. Et ce soir, j'aime bien retrouver mes amis, mes copains. Attention, attention, c'est interdit de penser à tous vos soucis. Attention, c'est défendu. Oublions tous les malentendus. Attention, ça va balancer. Attention, quand vous dansez. Oh, vous les filles, attention, danger. Du haut de la fenêtre de la télévision, penchez pas trop la tête. Faites bien attention. Oh oui, vous pourriez d'un seul bond retomber dans toutes les maisons. Je vous dis, attention, c'est interdit. Pericolo, vous forget. Attention, c'est défendu. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Attention, c'est interdit de penser à tous vos soucis. Attention, c'est défendu. Oublions tous les malentendus. Attention, c'est défendu. Oublions tous les malentendus. Bonsoir. Toute l'équipe de ce show Maman sont heureux de passer une heure avec vous ce soir. Et au cas où vous ne sauriez quoi faire par la suite, je vous proposerai personnellement de suivre les conseils que je vais prodiguer à la ravissante Françoise Hardy. À quoi pourrait-on jouer afin de passer le temps? Comment peut-on s'amuser en attendant le printemps? On pourrait jouer aux dames, au loto, au domino. Aucun jeu, je le proclame, n'est plus beau que le Bilbo. Bilbo, Bilbo, Bilbo, Bilbo, c'est un jeu que je connais. Ok, Bilbo, ok. Bilbo, Bilbo, Bilbo, Bilbo, ok. Je ne sais pas si je saurai. Je t'apprendrai. De quoi pourrait-on parler quand un ange vient à passer? Que peut-on se raconter tout en attendant l'été? On pourrait parler culture, Diderot, Sartre ou bien Rousseau. Rien n'est en littérature aussi beau que le Bilbo. Bilbo, Bilbo, Bilbo, Bilbo, c'est un jeu que je connais. Ok, Bilbo, ok. Bilbo, Bilbo, Bilbo, Bilbo, ok. Je ne sais pas si je saurai. Je t'apprendrai. Qu'est-ce qu'on pourrait bien chanter pour faire un duo parfait? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour s'accorder tout à fait? On pourrait chanter le drame, Marguerite et Mephisto. Rien n'est pour monter la gamme aussi beau que le Bilbo. Bilbo, Bilbo, Bilbo, Bilbo, ok. Je connais bien mon sujet. Ok, Bilbo, ok. Bilbo, Bilbo, Bilbo, Bilbo, ok. Si j'ai vraiment deviné, je t'apprendrai. Vous écoutez Johnny de A à Z, et là on écoute en ce moment le des extraits du Chaussemette. Voici Johnny Hallyday et Dalida avec Rock'n'Roll Tango. Alors ça c'est un peu fort, mais je vous ai rencontré quelque part. Vous avez tort, vraiment je n'y vais jamais. Mais vous alors j'en suis sûr. Ah oui? Vraiment, vous me rappelez. Tiens, tiens. Un chanteur. Non, je vous jure. Je crois que vous vous trompez. En pensant à tout cela, si l'on faisait quelque part. Attention, ça va chauffer, si l'on se met à danser. Le rock'n'roll. Le rock'n'roll, le rock'n'roll. Oh oui, moi j'aime ça. Le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll. Tango. Vous êtes vraiment doué, vous devriez essayer de chanter. Vous plaisantez? Non, je n'oserai jamais. Par contre, j'en suis sûr. Ah oui, quoi? Une idole, vous deviendrez. Essayez. Non, je vous jure. Non, ça ne marcherait jamais. En pensant à tout cela, si l'on faisait quelque part. Attention, ça va chauffer, si l'on se met à danser. Le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll. Oh oui, moi j'aime ça. Le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll. Go! Un autre duo avec Sylvie Vartan, Croque la pomme. Vous êtes bien sûr Johnny de la Z. Attends, attends. Croque la pomme à belles dents. Va-t'en d'ici, Satan, Satan. Je décide en tenue de Adam Va-t'en et Ève. Va-t'en d'ici, vilain serpent. La jolie pomme à dents, à dents. Qu'elle serait bonne à belles dents. Oui, si tu m'aimes, Adam, Adam. Cueille la pomme à belles. Tu ne sais pas ce que sera pour nous demain si tu fais ça. Il y aura le feu, la guerre, partout des tremblements de terre. Les fauves se déchaîneront, les hommes se déchireront dans les flammes dévastatrices et les cris de l'apocalypse. Croque la pomme, attends, attends. Croque la pomme, ma belle dent. Je t'en supplie, attends, attends. Ève, prends bien garde au serpent. Croque la pomme, Adam, Adam. Qu'elle serait bonne à belle dent. Croque la pomme, Adam, Adam. Oh, fais-moi plaisir à belle dent. Les filles, c'est toujours comme ça. Et bien fais ce que tu voudras. Mais demain nous serons chassés. Partout nous serons exilés. On aura faim, on aura froid. Et le tonnerre nous brisera. Sous les foudres dévastatrices et les cris de l'apocalypse. Et la douceur attend, attend d'avoir péché à belle dent. Je t'en supplie, attends, attends. Ève, prends bien garde au serpent. Croquons la pomme, Adam, Adam. Non. Croquons la pomme, ma belle dent. La jolie pomme, Adam, Adam, Dieu nous pardonne à belle dent. Que plus que l'image, évidemment, mais je vous invite à la rigueur à aller sur YouTube pour aller voir ce ce show Smet qui était sorti donc le 7 mai 1969 et Johnny avait interprété le titre également de Que je t'aime. Et quelques jours après, il a enregistré en 45 tours et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. J'espère que tout va bien. Vous êtes ici dans l'émission Johnny de A à Z tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 17h. Et aujourd'hui, je vous propose une série de duos, mais à la télévision, avec beaucoup de Sacha Show, par exemple, qu'on va retrouver d'ici quelques secondes, comme dans le Sacha Show du 26 mai 1971. Je n'étais pas encore né, 2 mois plus tard, je naissais. Et on va le retrouver avec 2 titres, Les Hommes Rangés et Le Procès Verbal. Et bien évidemment, comme d'habitude, nous sommes en gros, c'est que de la radio, en hein, quelque sorte. Il manque que l'image. Voici tout de suite Johnny Hallyday et Sacha Distel à nouveau. Et cette Johnny, je vais te dire en grand secret. La belle vie, les jolies filles, pour moi c'est terminé. Oh mais Sacha, c'est terminé aussi pour moi. Je suis comme toi, oh oui comme toi. Je ne bois plus que de l'eau. De l'eau, ça rose ça, le barman. Deux scotch. On est des gars parfaits. On est des hommes rangés. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà, messieurs. Pour moi maintenant, tout ce qui compte, c'est la famille. T'as raison. Mon intérieur, quelques amis, mais plus de jolies filles. Pour moi aussi, c'est la même chose, tu sais Sacha. Je suis comme toi, les jolies filles, ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pas l'air, effectivement. On ça me ranger. Ouais. Excuse-moi, mais tout à coup, je me souviens d'un rendez-vous, toi, non? D'un rendez-vous, précisément, que j'ai maintenant avec mes musiciens. Tiens, c'est marrant, je me souviens que moi aussi, j'ai rendez-vous dans un instant avec mes musiciens aussi. J'aurais parié. La l'orchestre. Ah. On est des gars parfaits. On est des hommes rangés. Ouais. Crois-moi, ne changeons rien. Comme ça, nous sommes parfaits. Ouais. Allô, chérie. Je vais être en retard. Oui, tu sais, il faut que j'aille chez Aldo, il est malade. Très malade. Très malade. Je pense à toi. Tout à l'heure. Oh là là. Mais vous êtes pas fou, non? Non, mais vous êtes dingue, hein? Vous levez sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais vous allez voir. Donnez-moi vos papiers, et puis dépêchez-vous, sinon ça va barder, je vous cours dessus. Et vous marchez au moins, à 80 à l'heure. À 80 à l'heure, espèce d'écraseur. En plus de sa brigadier, il ose protester, et même contester. Eh bien on va le sonner. Ça, alors, ah, comptez-vous. Oui, alors, hein. Bon, voyons. Vitesse prohibée, PV. On refuse de s'arrêter, PV. Refus de circuler, PV. Stationnement prohibé, PV. Numéro effacé, PV. Les quatre pneus usés, PV. Assurance périmée, PV. État d'ébriété, PV. Injure à policier, PV. Carrosserie mal lavée, PV. Refus d'obtempérer, PV. PV. Hey, regardez, il est 20h30. 20h30, oh, c'est l'heure des chachachos. Ah, vous avez de la chance, vous connaissez pas le temps de s'occuper de vous, hein. On est pressé. Mais on vous prévient, la prochaine fois, on ne vous loupera pas. En attendant, tenez. Allez, chachachos. En quitte de chachachos pour arriver maintenant en 1972 au top à Johnny le 18 mars 1972. Et Johnny va interpréter Apprendre à vivre ensemble avec Nanette Workman. La particularité de ce duo-là, c'est que chacun a inversé leur couplet. Bon, et si vous connaissez le titre, vous allez constater ça. On s'aime autant que l'on peut s'aimer, et on finit par se quitter. Parce qu'on détruit un peu chaque jour tout ce qui faisait notre amour. fini. Le prochain titre suivant, Johnny a quitté évidemment la Lynette Walkman et est revenu dans les bras de Sylvie Vartan. Et Johnny participe au Top à Sylvie, c'était le 9 décembre 1972, sur un titre Cher Harry qu'avait composé et écrit Jean-Jacques Debout, qui 2000 plus tard, Voulez-vous danser grand-mère? Non, c'est Allons danser chez Mickey. Allons danser avec Mickey. Dites-moi ce que vous voulez voir ici, cher Harry. À Paris, voulez-vous visiter le Trocadéro? Oh non, non, non, non, non. Je vous emmène où vous voulez. Oh yes, yes, I love you. Voulez-vous que l'on aille à Saint-Cloud? Oh, je préfère si vous voulez. Oh yes, yes, I love you. Allez faire un petit tour chez vous. J'apporterai du chocolat, du chewing-gum et du coca. Harry, oh non, voyons, c'est trop. Allons plutôt boire un petit café crème. Je préfère le chocolat chez vous tout là-haut sous les toits. Je vois. Sur le fourneau, on écouterait bien un petit refrain franco-américain. Dites-moi ce que vous préférez ici, cher Harry, à Paris. Ce que je préfère, c'est voir Paris d'en haut, mais dans votre studio. Vous voulez voir le défilé? Oh no, no, I love you. Mais vous n'êtes pas sérieux du tout. Non, non. Si on allait dans les musées. Oh no, no, I love you. On serait tellement mieux chez vous. J'apporterai du chocolat, du chewing-gum et du coca. Oh, yeah. Oh Harry, si je vous dis oui, c'est parce que vous savez parler aux femmes. Montrez-moi votre permission. Dire que c'est la libération. Sorry darling, mais c'est ici la fin de notre foin franco-américain. Sorry darling. Sorry baby. Au poste. Bye bye. Bye bye baby. Au bloc. À présent, show Michel Sardou, le 25 juin 1977, Johnny interprétait L'amour formica avec Michel Sardou. Qu'on écoute ça tout de suite dans l'émission Johnny de A à Z. J'espère que tout va bien pour vous. Oui, oui, oui. J'ai posé au coin du bar un morceau de cœur en pierre. Comptoir coincé entre une salière et un verre de picombière. Ouais, la jukebox bizarre. Une fille m'a dit mon frère, devant le ciel et caviar, il est temps de nous envoyer en l'air et d'oublier que t'as un cœur en pierre. Entre deux jeux durs, on a parlé, l'amour formica m'a formidé. Entre quatre murs, on s'est aimé, l'amour formica m'a formidé. Il partageait tous les soirs avec une autre écolière son lit d'amour et d'espoir, son évier, sa cuisinière. Bon, l'herbe étrangère. Oh, une gondole sur la télé clignotait ses feux arrière. Un miroir était placé au pied du lit. Pour moi, c'était l'enfer. Karl Marx était sur l'étagère. Entre deux œufs durs, on a parlé. L'amour formica m'a formidé. Entre quatre murs, on s'est aimé. L'amour formica m'a formidé. Si vous avez le cafard, si vous êtes en colère, sachez qu'il existe un bar qui sait soigner les cœurs de pierre et qui fait crédit aux picombières. Près du jukebox pizza, Jarvisa, une fille vous dira mon frère. Si ton ciel vire au caviar, c'est qu'il est temps de t'envoyer en l'air. De vœux durs, vous pourrez parler. L'amour formica va vous formider. Entre quatre murs, vous pourrez l'aimer. L'amour formica va vous formider. Entre deux vœux durs, vous pourrez parler. L'amour formica va vous formider. Entre quatre murs, vous pourrez l'aimer. L'amour formica va vous formider. Dis donc, dis donc. Vu la fille, hein? La regarde un peu. Ça qui bien. C'est la plus belle de tout le quartier. T'es en forme? Je suis très en forme. On la suit? On la suit, mais tout doucement là. Ok. Tout doucement. Allez, viens. Qui est-ce qui parle le premier? C'est toi ou c'est moi? On y va ensemble. On lui parle tous les deux en stéréo. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Vous êtes super. Vous êtes vidé sur vos parents. Pourquoi vous ne répondez pas? Faut pas avoir les sous et bonbons, hein. Je suis un peu à la bourre, Voici tout de suite, c'était l'émission Routine à nuit le 24 décembre 1976. On va retrouver deux duos, Johnny et Eddie avec Gata Promise et Johnny et Sheila avec Ils sont terribles. Je finirai bien par trouver un pays vivant en dehors du temps, très loin. Ils avaient repris tous les deux le titre Chuck Berry, Promised Land. Johnny, c'était La Terre Promise. Et Eddie Mitchell, c'était Une Terre Promise. Voici Johnny avec Sheila. Ils sont terribles. Toujours dans l'émission Rôti la Nuit du 24 décembre 1976. Et vous écoutez Johnny de A à Z. On retrouve Sheila pour un quatuor. C'était en 1978. Super. Dans un numéro 1 Sardou du 1er juillet 1978 avec Eddie Mitchell, Michel Sardou, John Hallyday et Sheila. Et puis on entend Jean-Claude Brialy. Chez toi, Patrick. Pour une reprise de La Musique que J'aime. Regarde les vieux qui mettent leurs lunettes. On voit rien. Toute la musique que j'aime, ça c'est le blues. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. C'est vrai. Pour exprimer ce qu'est le blues. Yeah. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Même avec les lunettes, oui. Là. Et tout ça, voyez-vous, eh bien, ça devient du blues. C'est comme je vous le dis. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Ah, oui. Tant que vivra le blues, le blues ça veut dire que je t'aime. Crie pas si fort du Saturne. Attends, fais pas, attends, fais pas. Oui, que j'ai mal à en crever. Ça, ou ça, ou ça. Je pleure, mais je chante quand même, là. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de plus. Les mots ne sont jamais les mêmes. Jamais, jamais les mêmes. pour exprimer ce qu'est le blues. Orchestre, attention, orchestre, instrumental et un, deux. On change de cavalière, mesdames les trois cloches, merci. Mesdames et messieurs, monsieur Hallyday, monsieur Sardou et moi-même ont eu le plaisir de vous interpréter les trois cloches. En attendant, madame Sheila va nous faire quelques notes de son secret. Jeanne Maman. Oui, oui, maman. Ça se calme, ça. Madame Maman, oui, oui, maman. J'ai eu même joie, j'ai même peine. Et tout ça, elle vient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Il lit ses paroles. Et je le chanterai, oui, toujours. Oh. Il y a fort longtemps, ça, je parle de ça il y a très longtemps, sur des guitares, des mains noires, voyez-vous, lui donnait le jeu. Oh. On chante les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu. Et puis la mure, la mure, la mure, la mure, la mure. Le blues, ça veut dire que je l'aime. Oh, ouais. Mais que j'ai mal à mais je chante quand même, voyez-vous. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que tu aimes. Et bien de là. Mais j'ai toujours le même texte dans cette chanson. Pour exprimer ce qu'elle lui. Il a le blues, il a, c'est lui qui l'a. Toute la musique qu'il aime. Toute la musique qu'il aime. Il l'a dans la peau, dans la peau, dans le dos. Non, la il l'a dans la peau, il l'a dans la peau. Et il puis il va la fille du soir. La fille du soir. La fille du soir. La fille du Spark qui croyait l'avoir perdu, c'est le jeu, mais qui l'avait retrouvé et qui va maintenant la chanter. La fille du Spark, chaque qui a pigé. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z. Je vous remercie encore toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir écouté cette émission. Et puis vous savez que vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Hein. Elle est disponible sur le site Johnny de A à Z sur RG. Je parle du site, le groupe Johnny de A à Z sur Facebook. Et aussi on le retrouve sur YouTube et on le retrouve aussi en podcast audio. Ouais, en audio sur iTunes, PodCloud et compagnie. Je vous marquerai tout ça évidemment quand ce sera fait, quand tout sera fait. On se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle aventure à partir de 17h. Je compte sur vous, mais moi je serai là. Ok ? À bientôt. Ciao, ciao !